ne sortant pas des objets sur lesquels j'enseignais, parce que faire une thèse, c'est compliqué en travaillant, etc. Bon, j'ai préféré garder quand même le même domaine. Enfin, je dis ça, c'est un intérêt secondaire, hein, je sais bien, mais tout de même. Et finalement, j'ai travaillé sur la psychologie de l'enfant, l'histoire de la psychologie, l'impact de la théorie évolutionniste sur les stades du développement psychologique de l'enfant et donc sur Piaget. Hein, j'ai fait un livre qui s'appelle De Darwin à Piaget, alors qui est donc sur la psychologie, si on veut, mais qui est quand même beaucoup plus de l'histoire des idées et de l'histoire même conceptuelle, en fait, un peu comme faisait Canguilhem, qui est mon grand modèle dans ce domaine. Alors, donc, pourquoi maintenant je m'intéresse à l'enfance sous un autre angle qui est plutôt celui de la socialisation? C'est parce que ça fait partie aussi du même problème, des savoirs de l'enfance. Aujourd'hui, je trouve que la socialisation est un concept extrêmement flou, qui est utilisé sur le terrain, qui est utilisé dans la formation, et auquel on donne en fait un contenu qui n'est jamais défini et qui varie selon les circonstances. Je ne sais pas si de votre point de vue vous avez ressenti ça ou si vous avez pu en entendre parler ou peut-être si vous n'êtes pas d'accord, je ne sais pas. Parce que évidemment on peut donner un sens plus rigoureux, hein, je ne le nie pas. Mais sur le terrain, voilà, je trouve que j'ai écrit d'ailleurs ça à plusieurs reprises, la socialisation, c'est surtout un synonyme de discipline. Ça revient à ça. Ou bien alors, ça veut dire simplement travailler en groupe, mais ça ne dit rien sur la conception du lien social chez l'enfant qu'il peut y avoir à la base de ce projet de travailler en groupe. C'est un concept qui est utilisé par les psychologues ? Alors, c'est plutôt en pédagogie qu'on s'en sert. Oui, c'est plutôt dans la littérature pédagogique qu'il apparaît. C'est plutôt si c'est de la psychologie, ça vient plutôt de Vallon. C'est-à-dire que les gens qui prennent la peine de définir ce concept se réfèrent volontiers à Vallon. Contre une psychologie individualiste, je cite, qui serait celle de Piaget, immobilise celle de Vallon, qui prend en compte le lien social et les interactions avec l'environnement. Voilà, ou peut-être aussi on pourrait mobiliser Vygotsky. Hein, pour. Mais là, ce qui vous intéresse, c'est ce que nous, on appelle des phénomènes de socialisation primaire, c'est-à-dire uniquement enfants. Il y a toute une littérature, par ailleurs, sur les formes de socialisation secondaire qui ne vous intéresse pas a priori, que vous n'intégrez pas dans votre champ d'analyse. Alors, moi, mon champ d'analyse, c'est plutôt la pédagogie. Mm-hmm. Hein, donc là, les concepts de socialisation primaire et de socialisation secondaire, à ma connaissance, j'espère qu'elle est suffisamment complète, je crois que ça n'est pas du tout utilisé, justement, dans la dite pédagogie. D'accord. C'est pour ça que ce concept, il se nourrit plutôt de Vallon, hein, quand il est suffisamment construit. De Piaget également, dans la mesure où Piaget parle aussi de la société des enfants, dans la mesure où il a écrit un livre sur le langage des enfants qui parle surtout de leurs interactions, et puis dans la mesure où il a fait un effort parfois pour parler du milieu, mais enfin il faut reconnaître que c'est quand même pas son fort. Donc voilà, la pédagogie fait plutôt usage de ça que des concepts anthropologiques ou sociologiques. Et c'est pour ça que ça ne me paraît d'ailleurs pas satisfaisant comme usage. Alors, en revanche, dans la pratique, j'ai quand même vu assez de classes sur le terrain pour le voir, dans la pratique, ça se réfère à la discipline, ou alors ça se réfère au travail de groupe. C'est essentiellement ça. Et donc, il n'y a pas besoin du mot « socialisation », en fait. Hein, si on voulait être rigoureux, il faudrait trouver d'autres mots. Voilà. Alors, ce sont ces questions-là qui m'ont amené à m'intéresser à l'histoire, hein, l'histoire des idées toujours, et des pratiques qui sont, pour faire vite, de l'autodiscipline. Des expérimentations pédagogiques concernant l'autodiscipline, c'est pour répondre à mes questions sur le sens que les gens donnaient au mot socialisation dans le contexte. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire une espèce de synthèse de ce que j'ai pu réunir sur ce thème-là jusqu'à présent, sachant que j'en ai publié des morceaux, pas tout, enfin voilà, c'est une espèce de résumé de ce que j'ai pu tenter pour éclaircir ce que l'on mettait derrière l'autodiscipline, avec une idée hein, derrière la tête, c'est que on pouvait peut-être utiliser ces éléments pour remettre de l'ordre dans la fameuse socialisation et aussi dans le problème de la discipline scolaire, puisque aujourd'hui on sait très bien que il y a beaucoup de tensions hein, dans les établissements. Cette notion focalise vraiment toute l'attention, en fait. Il y a une tendance, je dirais, au retour à l'ordre qui m'inquiète un petit peu, hein, c'est-à-dire une très forte attirance pour un retour à des méthodes que je dirais pas traditionnelles, mais plutôt assez autoritaires. Une tendance de l'institution à demander en priorité aux enseignants de régler cette question-là. Et par ailleurs, il y a un vide, un manque, enfin un flou au sujet de à quel ordre on peut faire régner, quelle relation on essaye de promouvoir, même pour identifier exactement le problème d'ailleurs, qu'on l'appelle violence ou qu'on l'appelle incivilité, les mots ne sont pas parfaitement clairs et les concepts en usage ne sont pas bien établis. Voilà. Alors c'est pourquoi j'ai pas pour l'instant, parce que je pense que du côté de la socialisation primaire notamment, il y aurait beaucoup de choses à faire, mais j'ai pas pour l'instant cherché du côté sociologie au sens du sens, enfin du concept de socialisation en sociologie. Alors donc j'ai commencé par, enfin si je gomme les raisons pour lesquelles je suis arrivée à ça, je me suis demandé ce que c'était que l'autodiscipline à l'origine. Et en fait, l'autodiscipline, c'est une méthode d'éducation civique qui a été inventée aux États-Unis et qui avait comme ambition de régler la question de la contradiction entre la liberté individuelle et la nécessaire acceptation des lois et le respect du point de vue collectif et de l'intérêt général. Donc c'est quelque chose de très intéressant et qui mérite qu'on s'y arrête un petit peu, parce que c'est un modèle qui a été imité et qui a été imité de façon approximative ou avec à la clé certaines interprétations en France. Alors je pense qu'on a toute une histoire, on a tout un acquis de réappropriation de cette notion-là, mais en France, pour des raisons que je ne m'explique pas entièrement, on ignore tout de l'histoire de la pédagogie et donc des expériences même qui ont pu être faites et qui pourraient, qu'elles aient réussi ou non, être quand même un peu des modèles par rapport aux besoins d'aujourd'hui. Alors, donc, ce que je voulais faire, c'est déjà faire un point sur ce que ça veut dire aux États-Unis, et puis ensuite voir comment ça avait été interprété, imité en France, avec quelques éléments qui pourront vous intéresser, parce que ça touche à la sociologie. Alors, donc, au début, on a aux États-Unis un contexte au tournant du siècle, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui est, on pourrait dire déjà, la massification. Enfin, les gens le pressentent. Ça n'est pas nommé comme ça, mais il y a de plus en plus d'élèves. Le système éducatif américain a été mis en place très tôt, hein, dans la deuxième partie du 19e siècle, avec des ambitions très, très importantes, beaucoup plus qu'en France, hein, finalement. Et donc, déjà, il y a une concentration de population scolaire. Ensuite, il y a les fameux problèmes urbains, hein, qui ont donné lieu à la première école de Chicago, etc. C'est-à-dire des élèves parfois difficiles, parfois violents, des adolescents difficiles, et de la violence qui a abouti. Alors quand j'ai lu ça, ça m'a un peu amusé parce que, enfin, si on peut dire, ça m'a rappelé ce qui se passe en France actuellement. La police était venue dans les établissements. La solution, ça avait été de mettre un policier dans l'établissement pour que les choses n'aillent pas trop loin. Dans certaines villes, évidemment, pas dans la campagne. Alors, de ce fait, le problème, avant la lettre de la violence scolaire, apparu comme quelque chose de très sérieux. Et puis, il y avait finalement, de façon très visible, une sorte d'échec de l'école par rapport à la citoyenneté. Et finalement, des individus ont décidé, sous l'impulsion du président Theodore Roosevelt, apparemment, de lancer des expérimentations de république scolaire ou self-government, ou on peut traduire ça par autodiscipline. Voilà. Alors, il y a la Ligue des Patriotes, à laquelle appartenait Roosevelt, qui a essayé de promouvoir cette méthode avec des objectifs d'éducation civique. Alors, je cite un livre qui est de Wilson Gill, qui dit: le but est de mettre de la démocratie dans l'éducation, non pas, pardon, de la démocratie dans l'éducation, mais de l'éducation dans la démocratie. C'est-à-dire, il faut que l'éducation s'empare de la démocratie dans le but de créer des habitus, en fait, c'est bien ça, chez les citoyens. Et il ne faut pas simplement essayer de rendre plus démocratique le système scolaire. C'est pas exactement le même problème. Donc, ce but étant établi, il est apparu que peut-être le self-government pouvait être une solution au problème de la violence scolaire. Et donc, un fonctionnaire, enfin, l'équivalent d'un inspecteur d'académie, s'appelait Bernard Cranson, a essayé à New York de faire des expériences qui ont essaimé après. Alors donc c'est quelque chose de très précis, c'est tout à fait délibéré, c'est pas une vague mode ou quelque chose de diffus qui tiendrait à la mentalité américaine. C'est vraiment une réflexion sur le rapport de l'école et de la démocratie, sur la manière dont on doit concevoir l'éducation civique et en même temps sur ce qu'on appellerait aujourd'hui le vivre ensemble, puisque l'expérience est quand même partie de cette préoccupation-là et d'un état de crise, apparemment. Alors, le fonctionnement peut être décrit rapidement. Ça consiste à confier aux élèves et non pas les associer, hein, c'est vraiment leur confier la vie de l'établissement. Alors, ça peut être à l'échelle d'un établissement, donc là on peut parler de république scolaire, ou ça peut être de façon plus modeste à l'échelle d'une classe, et à ce moment-là on parle seulement de self-government. Mais d'une manière ou d'une autre, le principe, ça consiste à donner une responsabilité aux élèves, et une responsabilité réelle, et non pas une responsabilité feinte ou jouée ou fictive juste pour une séquence pédagogique. Et ces responsabilités peuvent aller très loin. Alors il peut y avoir l'équivalent d'un maire, il peut y avoir l'équivalent d'un tribunal, d'un juge, d'un procureur. Hein, les choses peuvent être assez détaillées selon les documents et les ouvrages qu'on consulte. Et les fonctions sont attribuées par élection. Alors les élèves font une campagne, ils posent candidature, ensuite il y a des élections avec une forme extrêmement rigoureuse, et ensuite l'élection fait qu'on ne peut plus contester, sauf en cas d'inconvénients majeurs qui sont décrits à l'avance. Et après, les élèves ont un pouvoir réel, notamment de discipline, et tous ceux qui ont essayé disent la même chose, américains ou pas. Les élèves sont toujours plus sévères entre eux que ne le seraient les adultes. Il y a peu de choses qu'on peut conclure des expériences pédagogiques, mais celle-là, on peut au moins conclure une chose. Ils sont tous d'accord sur ce point-là. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'évidemment, les adultes doivent être vigilants, ils sont quand même garants, et ils doivent former les responsables en amont. Et tout ça est une opération donc très ambitieuse, hein, très, très importante. Et ensuite, l'enseignant doit être en retrait de ça, de ce fonctionnement. Il doit se concentrer sur le travail proprement des apprentissages parce que il est théoriquement déchargé de cela, même si son regard, évidemment, ne peut pas... Alors, le but, c'est de faire une démocratie en petit, mais une démocratie réelle. Ce n'est pas juste à l'école où on apprendrait comment fonctionne la démocratie. C'est dans une société démocratique, l'école fonctionne démocratiquement, c'est-à-dire qu'on donne des responsabilités aux gens et ça a des effets. Et les individus doivent s'impliquer dans ce processus et ils peuvent changer de rôle et donc ils doivent apprendre à changer de point de vue et comme ça pouvoir mesurer au fur et à mesure leurs responsabilités et quand ils seront adultes, être des citoyens mûrs, comme disait Kant, hein, pour la liberté. Alors, j'avoue que, bon, j'en sais peu, pas vraiment, j'ai pas poussé jusqu'au bout l'investigation, parce qu'il y a des tas de choses à lire, etc. Mais, tel que je l'ai perçu, il me semble que c'est un projet qui est à la fois ambitieux, mais en plus qui est très rigoureux. C'est-à-dire que ces gens se sont impliqués en pratique, ils ont été soucieux de bien distinguer... éducation dans la démocratie et démocratie dans l'éducation, je trouve ça très très bien. Ça éviterait beaucoup de problèmes si on commençait par ça, il me semble, aujourd'hui. Et ils ont défini ce que c'était que la responsabilité dans cette démocratie, ce que ça devait être le rapport de l'individu à la loi et aux institutions. Alors après, dire que c'est un remède miracle, je ne sais pas, ça a duré un certain temps. Ça a réellement fonctionné. Et je pense que ça a surtout exercé beaucoup d'influence intellectuellement. Il faudrait vérifier dans quelle mesure, jusqu'à quand cette expérience a vraiment été poursuivie dans la forme originelle. Et alors ça fait partie d'un paquet, on retrouvera ce problème tout à l'heure, j'appelle ça un paquet, hein, qui ont été perçus comme des méthodes modernes en Europe. Mais il n'y a pas que ça dedans. C'est un élément de l'éducation progressive américaine. Un élément. C'est ça qui intéressait Nathalie Bull, justement. Parce qu'elle a travaillé sur des choses comme ça, elle aussi. Et tout ce qui est méthode moderne, pédagogie nouvelle, etc., pédagogie active, enfin, quels que soient les mots, hein, peu importe, en fait, c'est toujours un peu comme la socialisation, des mots très mal définis qui ne sont pas référés à une histoire et qui flottent un petit peu comme des signifiants prêts à l'emploi à chaque fois qu'on veut se positionner dans un rapport de force, en fait, hein, dans l'institution scolaire. Donc, ici, on a un élément très bien défini de cette nébuleuse qui va après se promener un peu dans tout le XXe siècle, mais qui est une nébuleuse parce qu'on va perdre la rigueur des origines, à mon avis, et qui va exercer une espèce de fascination pour tout ce qui est nouveau, pour tout ce qui tranche avec les habitudes, pour tout ce qui est liberté, allègement de la discipline, etc. Mais là, on voit bien, hein, que c'est très, très exigeant, et que ça n'est pas du tout la liberté au sens où on laisse les élèves à leur bon vouloir, où on les laisse sans surveillance, où on leur abandonne le choix de ce qu'ils font. Non, c'est pas ça, hein, pas du tout. Alors, donc, ce modèle, ensuite, il s'est... Je ne sais pas trop comment, hein, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Il s'est répandu en France. Très tôt, parce que j'en ai trouvé des traces chez Roger Cousinet, mais je suis sûre qu'on en trouverait des traces ailleurs. Simplement, voilà, c'est un travail de fourmi, c'est un objet qui n'est pas très bien défini. Très tôt, c'est-à-dire Début du siècle, pratiquement tout, oui, tout de suite après les expériences américaines. Alors, justement, comme je ne sais que ça, si on peut dire, J'avais pensé, dans un premier temps, vous parler des expériences de Roger Cousinet, Self-Government, en vous situant un peu le personnage que vous ne connaissez pas. C'est probable et c'est pas étonnant. Hein, c'est pas étonnant. Déjà, en sciences de l'éducation, personne ne le connaît, donc. Et puis ensuite, je vous parlerai d'un deuxième type d'expérimentation, qui est à l'imitation de ce qu'ont fait les Américains. Ça pose plein de problèmes, comme un réseau de problèmes. Alors, Roger Cousinet, tout le monde me dit comment ça se fait que tu t'intéresses à ça, c'est pas possible, toi, etc. Ben oui, parce que c'est un peu, comment dire, un personnage mineur dans l'histoire, surtout dans l'histoire des idées. C'est un inspecteur qui a vécu de 1880 à 1973. Il a connu les événements de 68, d'ailleurs. C'est intéressant de le savoir parce que il en était. Alors, il était très âgé, bien sûr, mais il a essayé de comprendre. Il a dit qu'il ne comprenait pas parce que ça ne reflétait pas du tout ses idées d'origine. Bon, voilà. De Gaulle non plus, apparemment, on ne comprenait pas quand Voilà. même. Plein de gens qui Pourtant, ne c'est un grand comprenaient pas. esprit. Plein de gens. Et alors pourquoi je me suis intéressée à cet inspecteur? Parce que j'avais sans arrêt trouvé son nom partout quand j'avais mené des recherches sur l'éducation nouvelle. Alors il y a un moment donné où ce genre de choses fait un signal et j'ai pensé qu'il était important. Effectivement, je crois qu'il n'est pas connu assez par rapport à l'importance qu'il a eue. Pour l'histoire des idées, le système éducatif, bon, ce genre de problème. Enfin, c'est pas quelqu'un d'inintéressant du tout. Simplement, il a traversé, comme beaucoup de gens, difficilement la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une histoire qui circule à son sujet. Est-elle vraie, est-elle pas vraie? Je sais pas, je pense que oui. Il y a une bombe qui serait tombée sur ses affaires et il aurait perdu tous ses manuscrits en 1945, donc il a été obligé de recommencer et de réécrire de mémoire ses derniers livres. D'où ces derniers livres sont un peu bâclés, enfin, c'est pas le mot, ils sont pas référencés. Hein. Vous voyez, c'est vrai que ça ressemble à un travail refait d'après des notes, mais avec Mais plus ces les. livres, ils avaient été publiés? Ces livres, ah Bah oui. alors ils n'ont pas pu quand même complètement Non, disparaître. les notes qu'il avait n'étaient pas Ah, publiées, les ouvrages c'est des étaient notes. sous forme enfin, de tapuscrits Ah d'accord, ils probablement à n'étaient pas l'époque. encore Non, publiés, mais non, non. d'accord. Ah, oui, Et donc ces ouvrages des années 50, donc ils sont, c'est ceux qui ont été les plus lus, c'est ceux qui ont le plus rayonné dans les années 60-70, mais ce n'est pas les meilleurs. Hein, parce que justement, il y a ce côté, puis après, il est devenu très idéologue, il était même militant, enfin, c'est pénible, quoi. Et, Militant de quel sens? militant, alors, comme orientation politique, il a toujours dit qu'il n'était pas religieux, mais moi, je pense qu'il est de la mouvance catholique, quand même. Hein? Hein, malgré tout, il a travaillé beaucoup avec un prêtre qui s'appelle François Châtelain, et puis, c'est un rival de Freinet. Je pense pour des raisons idéologiques profondes et pas seulement pour des raisons pédagogiques. Parce que sur les raisons pédagogiques, ils se rejoindraient bien parfois. Mais sur le plan idéologique, c'est l'antithèse complète de Freinet. Donc je le classe comme ça, un catholique social. D'accord. C'est un grand courant, le catholicisme social. Oui, c'est effectivement un grand courant et il s'en réclame pas, c'est ça la Ah, difficulté. d'accord. Il le dit, il se réclame indépendant, pensant tout seul, par ses propres moyens, contre tout le monde, un inventeur, enfin. Donc c'est un peu rhétorique, en fait. Alors il a été, il s'est présenté à. C'est intéressant, c'est à certains points de sa biographie pour comprendre ce qu'il a fait. Il a échoué à l'ENS en philo. Donc, il a fait ce qu'on appelle une stratégie de reconversion, c'est-à-dire il s'est tourné vers l'enseignement primaire, mais il est devenu inspecteur très rapidement. Et c'est moi qui dis ça, une stratégie de reconversion, c'est pas lui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, c'est un activiste, il n'a pas pu s'empêcher d'adhérer à la société fondée par, dirigée par Binet à l'époque, la Société pour l'étude psychologique de l'enfant, enfin bon. On le trouve dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson. En 1911, le dictionnaire a été publié pour la seconde fois avec des modifications. On trouve évidemment un article du jeune Cousinet là-dedans. Donc il se met partout. C'est quelqu'un qui est comme ça, très nettement. Et puis, il va très vite phagocyter une revue. Enfin, bon, il va comme ça asseoir son influence par différents moyens. Et il a commencé une thèse avec Durkheim. C'est là où ça peut vous intéresser. C'est un disciple de Durkheim. Et donc, son but, c'était de faire une thèse sur la société des enfants. C'était pas mot socialisation à l'époque, ça se disait pas tellement. Hein, sur la société des enfants. Et je crois que c'est un grand regret qu'on doit avoir. Parce que ça aurait été très, très, très intéressant. Alors, pourquoi ça ne s'est pas fait ? Bah, tout simplement parce que Durkheim est mort. Il est mort en 1917 et Cousinet était encore jeune, il n'a pas terminé cette thèse. Avec qui pouvait-il la faire? Un homme aussi indépendant d'esprit et puis avec une sociologie quand même naissante qui s'affirme là, je ne sais pas. Hein. Donc il ne l'a pas continué. Si je puis vous interrompre juste une seconde, c'est un peu étonnant en même temps qu'il est engagé un projet de thèse comme ça avec Durkheim, parce que ce que je connais de Durkheim sur ce qu'il peut dire des enfants, c'est vraiment des êtres qu'il considère comme asociaux, pour ainsi dire, et ne relevant pas du tout de la sociologie. Ah oui. Ah, il me semble, oui, et Durkheim délègue à la psychologie l'étude de l'enfance. Vous voyez, c'est pas du ressort de la sociologie, parce que c'est des êtres précisément qui ne sont pas encore socialisés, ouais. Et donc c'est pas du ressort de la sociologie. Voilà, c'est pour les psychologues, c'est pas pour. Oui, alors ça c'est une vraie question. Mais enfin bon, j'en sais rien. Ouais. Hein, non, mais c'est amusant. Hein, pas pensé, c'est amusant. Est-ce que ça tient qu'à un moment donné, il avait une chaire de pédagogie plutôt, c'est alors sur oui. La fin de service, hein. Ah oui, oui, c'est peut-être pour ça. Ah oui, c'est pour ça. D'accord. Il ne devait pas y avoir dans ces disciplines énormément de gens. Oui. Pour faire une thèse. Mis à part lui, il devait y avoir d'autres personnes au même moment dans son courant qui aurait pu prendre ça. Alors en fait, oui, c'est ça. Le lien est là. Alors est-ce que c'est plus institutionnel que théorique. Voilà, ce serait intéressant sur le plan intellectuel de voir comment. Enfin bon. Ouais. Parce que Durkheim, justement, je vais quand même penser, il a donné un cours de sciences sociales à Bordeaux et de pédagogie. Donc ça, c'était en 1887. Et ensuite, il a remplacé Ferdinand Buisson à la Sorbonne pour un cours de sciences de l'éducation. Et si Buisson faisait ce cours de sciences de l'éducation, c'était parce que le titulaire de la chaire était mort, c'était Henri Marion. Et la science de l'éducation à l'époque, c'est tout à fait nouveau, ça qu'il faut bien voir. C'est pas les sciences de l'éducation, c'est la science. Il y a Jacqueline Gautrin qui a écrit un livre là-dessus, qui est très très bien, qui s'appelle « Une discipline pour la République ». Et donc, la science de l'éducation... C'est un coup de force de Buisson, en fait, d'avoir mis ça à la Sorbonne. C'était à l'époque où ils ont créé les écoles normales. Pour avoir un cycle complet, c'était très bien vu, je trouve, comme projet, un cycle complet de formation jusqu'au supérieur qui corresponde à la création de l'enseignement primaire. Je ne sais pas si je m'explique bien. L'enseignement primaire recrutait des gens qui avaient le brevet supérieur. Donc, ils étaient formés, c'est les fameux deux réseaux, si ça vous dit quelque chose, les deux réseaux de Baudelot et Stablet. Hein, c'est pas jeune, mais c'était bien vu. Parce que y avait les écoles normales ordinaires, il y avait l'école normale, comment dire, l'école, je viens de le dire, le brevet supérieur. C'était attribué par. Le mot m'échappe. Il y avait une école. Qui n'était pas un cursus universitaire, ni le lycée classique, qui donnait des cours sans langues anciennes et qui délivrait le brevet supérieur. Voilà. Donc il y avait un circuit jusque-là. Et l'idée de Buisson, c'était qu'il fallait qu'il y ait aussi une discipline universitaire pour correspondre à tout cet ensemble de créations. Et s'il y avait eu ça, il y aurait eu une sorte de, ce qui revendique aujourd'hui les syndicats, une continuité de la maternelle à l'université, puisqu'ils ont créé aussi la maternelle à cette époque-là, en 1887. Hein. Donc, il y aurait eu une création institutionnelle avec maternelle, école primaire, l'école dont je ne me souviens plus le nom, qui donne le brevet supérieur, et ensuite l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, qui forme les profs des écoles normales, hein. Et puis ensuite, la recherche universitaire avec la science de l'éducation. J'y suis arrivée à peu près. Mais c'était un pensée de chez Buisson, qui était un intellectuel, je crois, hors pair de ce point de vue-là, qui était aussi bien sur le plan théorique très fort que très clairvoyant sur le plan institutionnel. Il se disait, toutes ces créations, il faut qu'elles se tiennent ensemble. Et en fait, ça aurait évité beaucoup de dérives, comme par exemple les sciences de l'éducation en 1967, sans héritage, rien, comme ça. Bon, là, il avait anticipé ce genre de problème. Et si on n'avait pas abandonné la science de l'éducation, ça aurait été mieux, à mon avis. C'était de haute tenue. Hein. Donc, Buisson a tenu à cette chaire. Donc, l'autre est mort. Il l'a prise. Il ne pouvait pas la garder. Il ne pouvait pas être partout. Et donc, il l'a donnée à Durkheim. Donc, qui a enseigné la pédagogie, effectivement. Ouais. Hein, cours de pédagogie. Et il est devenu titulaire. Ça, c'est Jacqueline Gautrin qui précise bien tout ça. Il est titulaire de la chaire de sciences de l'éducation et sociologie en 1913. Voilà. Et puis après, il est mort prématurément. Et du coup, on peut se demander si la fameuse thèse n'a pas été faite exactement dans ce contexte-là, quand bien même l'objet de Cousinet n'aurait pas trop plu à Durkheim, je ne sais pas. Mais il n'a pas fait sa thèse, alors. Non, hélas. Il n'en reste rien. Alors voilà, il faudrait savoir ça. Ça, ce serait un point à élucider. Trouver les éléments de la thèse de Cousinet. Je ne sais pas dans quelle mesure il les a recyclés dans ses travaux ultérieurs. Il a fait des articles hein, qui sont très intéressants à cette époque-là. Et je fais l'hypothèse que ces premiers articles sont le contenu de cette thèse qui n'existe pas. Notamment des articles sur le chahut, qui sont très très intéressants. Excusez-moi, le matériau que vous utilisez, mis à part les articles publiés, des archives, il y a une base documentaire que vous avez constituée J'avoue que je ne suis pas allée aux archives pour ça. D'accord. Non. Il faudrait pour ça, par exemple, voir s'il y a des bouts de thèse. Parce que typiquement, c'est un travail, effectivement, de l'archive. Pour aller plus loin, ouais. Oui, pour aller plus loin. Alors, je ne suis pas allée plus loin pour le moment. J'ai fait un autre travail d'archives par rapport à ce que je dirai après, mais alors là, ça n'a pas donné des résultats formidable, ça a juste confirmé des choses que je pensais déjà d'après ce qui était publié. Et là il y a un manque, oui. Là, c'est quand même, mais c'est un sujet en soi. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? C'est vraiment un problème qu'il faudrait prendre à part. Parce qu'après, pour les expériences qu'il a faites, on en sait pas mal. Il a publié ça dans le bulletin de la Société libre pour l'étude psychologique de l'enfant. Introuvable, en miettes, bon, enfin bref, mais enfin on le trouve quand même. Alors, donc je cite quand même parce que c'est révélateur. Georges Davy, qui était doyen de l'Université de Paris, a écrit un texte sur Émile Durkheim en 1960 dans la Revue française de sociologie. Et il dit qu'il avait une chaire de sciences sociales alourdie de pédagogie. Alourdi. Alors à l'époque, je pense que c'est vrai, mais c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que Durkheim s'est quand même authentiquement intéressé à l'éducation, malgré tout. Il en a laissé des écrits sur l'éducation. Donc oui et non, c'est vrai qu'institutionnellement, il s'est débarrassé de la pédagogie après. Bon, ça, on peut pas l'enlever. Alors, donc, pour la méthode du self-government, Roger Cousinet a très tôt... Alors, il a publié un truc, donc les expériences sont antérieures, en 1912, hein, qui s'appelle « La méthode du self-government dans les écoles françaises ». Donc, c'est dans la revue pédagogique, c'est pas dans un bulletin, là, c'est dans la revue pédagogique, 1912. Alors, la revue pédagogique, elle est officielle, en somme. Hein, c'est une revue qui... comporte beaucoup d'études, mais qui est la revue par excellence hein, de l'école primaire à ce moment-là. Donc, il dit déjà qu'il est allé chercher chez les Américains. Je vais vous lire un bout de citation. Et il dit que leurs méthodes sont perfectionnées comme leurs machines, ingénieuses comme toute l'organisation pratique de leur vie quotidienne, et bien entendu supérieure à toute critique. Il était vraiment, je veux dire, à cette époque-là, l'avis concernant ce qui se passe aux États-Unis n'est pas unanime. Hein. Et lui, il est fan. Après, bon, c'est beaucoup plus tard, il y aura un livre qui s'appelle « Le cancer américain » qui donne un tout autre point de vue sur ce qui se passe aux États-Unis. Et puis, comment, Georges Duhamel qui va faire un livre très critique aussi sur les États-Unis. Bon, enfin, ça, c'est l'avis de Cousinet. Hein. Donc, il dit « C'est cette forme sociale de la discipline scolaire que les pédagogues d'outre-mer appellent le self-government et qui, selon eux, a le double avantage d'assurer dans les écoles un ordre parfait pour le groupe » et de former admirablement le caractère. Il mobilise la notion de caractère. Je ne crois pas que ce soit fidèle au enfin, tel que je l'ai lu. Dans le texte anglais, il parlait de habit. Ce n'est pas forcément exactement la même chose. Donc, de chacun des écoliers qui le composent, une discipline qui à la fois forme l'individu en organisant la collectivité, qui est à la fois individualiste et socialiste, qui régit une société forte et néanmoins n'opprime pas l'individu, qui lui permet de se développer et aide ce développement. Bref, une discipline proprement républicaine est assurément la meilleure des disciplines. Voilà. En fait, il y a beaucoup de choses dans ce texte. Hein. L'individualiste et socialiste, c'est étrange comme rapprochement. Il y a la notion de caractère, les préoccupations de Cousinet qui ne vont pas cesser d'être le groupe. Alors après, il va faire la théorie des groupes. Et en même temps, il accommode ça avec la République. Bon. Mais tout ça, finalement, assez hétérogène chez lui. C'est des éléments qu'il essaye de faire tenir ensemble. Et il trouve la solution chez les Américains. C'est, à mon avis, pas une théorie qu'il a adoptée, c'est une expérimentation. Bon, ça, c'est mon interprétation. Hein. Et il ajoute que ça peut former la vertu, telle que l'a demandé Montesquieu, hein, qui est nécessaire. Alors là où c'est intéressant aussi, c'est par rapport à l'enfant. Il dit le respect que nous latins avons pour un enfant, c'est le respect dû à la faiblesse et à l'ignorance. Maxima debetur pueris reverentia. Il est chez les Américains le sentiment tout naturel qu'on doit avoir vis-à-vis d'une force, vis-à-vis de celui qui a les mêmes droits que l'homme. Et à qui l'homme ne doit ni rien commander, ni rien imposer, ou presque rien. Élever un enfant, c'est pour nous l'entourer de soins. Pour un Américain, c'est le débarrasser de soins et assurer son développement, une véritable liberté. Ça, c'est très intéressant par rapport à la notion d'enfant qu'il y a derrière. Il considère donc que, alors, peut-être comme Durkheim, la sollicitude vis-à-vis de l'enfant qui est très présente dans la psychologie de l'enfant, etc., elle n'est pas intéressante en France, et qu'il faut, en revanche, prendre l'enfant en tant qu'individu. Donc, pas vraiment comme un enfant, d'après cette citation. En fait, l'aider à se développer, oui, mais en le considérant d'abord comme une force, donc en essayant de faire peser le moins possible de contraintes sur lui. Enfin, c'est encore du Cousinet, hein, parce que il a une pensée un petit peu anarchisante, en fait. Hein. Lui, dans ses expérimentations, en général, il essaye effectivement de faire disparaître l'adulte. Hein. C'est ce qu'il a écrit dans le dictionnaire de Buisson. Il va plus loin que les Américains, je crois. Alors, il fait partie de cet auteur, à mon avis, dangereux, hein. Vraiment. Et en même temps, il est inspecteur de... Oui, il était inspecteur. C'est rigolo, parce que par rapport à son rôle professionnel, c'est assez particulier. Alors, il a eu des ennuis. Ah ouais. Oui, ça ne l'aime pas trop. Faire disparaître l'adulte pour un inspecteur. Il l'avait muté à Sedan. Ah ouais. C'est quand même une ville de sinistre mémoire. J'espère que vous n'êtes pas de Sedan. Mais non, le terme rappelle des choses un peu tristes, quoi, Sedan. Et il a été muté à Sedan. Il a joué au martyr. Enfin, vous voyez ce qui m'arrive, etc. C'est comme ça quand on essaye de bouger. Et alors, il a toute une rhétorique. Enfin, je ne dis pas qu'il avait tout le temps tort, mais il était quand même très excité. Et il avait toute une rhétorique comme ça du changement. Mmh. C'est le début à cette époque-là. il faut tout changer, ça va pas du tout, il faut repartir à zéro, il faut faire bouger l'institution, faut tout déjà, se... déjà. Déjà. Là, vraiment, lui, il est, c'est ce que j'appelle dangereux, parce que lui, il était très instruit, mais ceux qui l'ont lu après, c'était pas forcément le cas, et donc il a été interprété un peu dans tout, voilà, au pied de la lettre, je dirais, au pied de la lettre. C'est ça qui est dangereux. Alors, il a avancé déjà là, quand il parlait en 1912 du gouvernement, du self-government, une notion qui va beaucoup travailler, qui est la solidarité dans le mal. Et il dit, la solidarité dans le mal face au maître isolé est entretenue par les interdictions. C'est pas complètement idiot. Par exemple, quand on interdit aux élèves de copier, il dit, en fait, on crée une solidarité dans le mal. On veut les individualiser, donc on brise leur solidarité naturelle qui consisterait à bavarder, et en les empêchant de copier, on va créer une solidarité dans le mal, c'est-à-dire les petits papiers qui passent, la triche, je te montre, je fais semblant, je mets ma gomme, etc. Hein, voilà, c'est ça qu'il a... Et alors, il a beaucoup travaillé sur cette solidarité dans le mal comme forme de cause de l'indiscipline, après. Et il dit le mécanisme de l'indiscipline, on ne parlait pas de violence à l'époque, est dû à un mauvais fonctionnement de l'institution. C'est-à-dire, si on met le maître seul face au groupe des élèves qui se solidèrent, alors c'est là peut-être un peu du Durkheim quand même, ils vont se fédérer contre lui. C'était bien vu hein, quand même. Donc il va travailler cette notion de solidarité, et à cette époque-là, en 1912, il fait du self-government à Paris, dans une classe, et il va faire des élections. Ils ont fait élire 12 enfants par des camarades, ils ont confié des charges aux enfants. Alors, propreté du corps, il donne une description, hein. Propreté du corps, propreté du vêtement, ordre et soin du matériel individuel, ordre et soin dans le local, assiduité, exactitude. C'est un peu tatillon, ça. Direction des distributions matérielles en classe, etc. La durée des charges était d'un mois. Alors, je crois que c'est pas une bonne idée. Après quoi, on devait procéder à une nouvelle élection, les fonctionnaires sortants n'étant pas rééligibles. Fonctionnaires ? Fonctionnaires. C'est une citation, ça. Hein. Alors, donc, il y a une phrase, tout est intéressant dans les textes de Cousinet, c'est pour ça que je les cite. On avait procédé ainsi pour que l'échec ou la réussite de l'expérience ne pût être attribué aux qualités personnelles des élus. C'est-à-dire qu'il veut absolument montrer que le système est bon, indépendamment des qualités personnelles. C'est quand même très ambitieux. Hein, parce qu'un système bon, ça existe, meilleur qu'un autre. Après, quand on veut absolument faire abstraction des qualités personnelles des personnes, il n'y a pas grand-chose qui marche. Alors, je ne sais pas si c'est ça, ou à mon avis, c'est le problème de l'élection qui dure un mois, là. En tout cas, ça n'a pas marché. Ça a été un bazar effroyable. Les élèves se sont mal comportés. Il y a eu des délations, des choses horribles, enfin voilà, des rapporteurs au maître de quel autre qui avait fait ci et ça. Alors, il dit, l'expérience commencée au mois de février dura jusqu'à la fin de l'année scolaire. Monsieur Belot, ça c'est l'autre inspecteur qui l'a aidé à Paris, vient d'en publier les résultats. Deux points, elle a échoué. Alors, je trouve que c'est assez intéressant de voir quelqu'un avouer un échec, quand même, parce que souvent on dissimule. Alors, lui, il l'a avoué. Et il a dit que, alors il s'est demandé pourquoi, moi, à mon avis, évidemment, c'est de la spéculation pure. Je pense que ces élections d'un mois, ça ne fonctionne pas. Il faut au moins 3 mois. Les Américains, c'était plus long. Donc, quoi qu'il en soit, il accuse la France. Il dit, en France, il n'y a rien à faire. On n'a pas du tout la fibre démocratique. Et du coup, il faut qu'on ait d'abord l'esprit public, parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Alors, il en veut terriblement à l'esprit français, enfin, bon, sans preuve, hein, je ne sais pas bien si ça... Si, oui, il a peut-être raison, cela dit, mais bon, c'est quand même un peu... Alors, il n'en déduit pas que sa méthode est mauvaise, donc il a continué à la préconiser. Elle a été encore appliquée beaucoup plus tard par une institutrice qui était disciple de Cousinet, disciple un peu fervente. Et ça pose tout le problème de cette époque et qui dure encore maintenant. Les inspecteurs, la hiérarchie d'un côté, c'est des hommes, et les institutrices qui persévèrent dans les expériences, c'est des femmes. C'est comme ça à Genève, c'est comme ça à Paris, c'est comme ça partout. Il y a les institutrices, les petites mains, et puis après ceux qui pensent, c'est les hommes, et c'est toujours des hommes dans la hiérarchie. Bon, c'est assez désagréable. C'est pour ça que je fais une parenthèse, parce que là, c'est typique. Marie-Louise Vautier a continué jusqu'en 1935 à faire du self-government dans sa classe. Et puis, Cousinet est passé à autre chose, évidemment. Et il n'a quand même pas désavoué la méthode. Mais il a évolué, c'est-à-dire il est passé à l'élaboration de sa propre méthode, alors celle qui a laissé beaucoup de traces et pas toujours des bonnes, qu'il appelle le travail libre par groupe. Alors le travail libre par groupe, c'est une théorie extrémiste, c'est-à-dire il faut que les élèves, enfin dans son idéal à Cousinet, il faut que l'école soit un monde, une société, voilà déjà. Ensuite, les élèves doivent choisir ce qu'ils vont faire, ils choisissent les tâches. Et à l'aide de ces tâches, alors, par exemple on décide de repeindre la classe. Je fais exprès de prendre des exemples un peu extrêmes parce qu'il en donne des comme ça. Donc, peindre la classe, ben, ça veut dire acheter du matériel, donc facture, commande, on remplit les bons de commande, on fait le calcul pour voir si on a assez dans la coopérative, etc., je sais pas quoi. Et puis ensuite, on écrit à l'entrepreneur, faudrait telle couleur. Et puis, bon, on fait tous les apprentissages scolaires par rapport à la tâche librement choisie hein, par les élèves. Et ensuite, pour la réaliser, je vous décris pas ça par le menu, mais enfin... Il est important de souligner quand même que Cousinet veut le libre choix des groupes par les élèves. C'est-à-dire les groupes se forment spontanément. Ce n'est pas le maître qui décide. Du style, un tel a des difficultés en lecture, donc c'est lui qu'on va mettre à la facture. Non, c'est les élèves eux-mêmes. Et ça, c'est une théorie donc de Cousinet qui dit que spontanément, il y a des hiérarchies qui se créent dans la société. Dans la société des enfants, c'est comme dans la société des adultes. C'est-à-dire, par exemple, il y a des leaders. Et il faut que le leader naturel puisse s'affirmer dans la classe à la Cousinet. Hein, et que son autorité lui permette de s'agréger des collaborateurs hein, qui, eux-mêmes, vont avoir des qualités différentes qui vont rendre complémentaires. Et pour Cousinet, c'est un apprentissage de l'organisation du travail tel qu'il devrait être pour lui, c'est-à-dire reposant sur l'exploitation des qualités naturelles des gens et avec une hiérarchie pensée également selon ces qualités naturelles. Alors, c'est une théorie qu'on trouve chez Claparède aussi, hein, en Suisse, qui a dit exactement ça. C'est une théorie qu'on trouve, je pense... dans la psychologie du travail, enfin, je pense qu'on la trouve en dehors de la pédagogie. Je ne sais pas exactement d'où il a tiré ça en 1912, j'avoue. Ça ne peut pas être la psychologie que je connais, qui date des années 50, la psychologie sociale. C'est avant ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il a lu ? C'est une colle. Enfin, j'avoue, j'ai pas. Il cite jamais rien. Hein. Donc. Mais il n'a pas inventé ça quand même tout seul. Ou alors il l'a inventé en partie, je pense d'ailleurs. Pour les élèves, oui. Alors, il a pensé... Donc ça, c'est pas du tout américain, par contre. Ça me paraît pas du tout. Parce que ce que souhaitent les gens comme Roosevelt, c'est avec les élèves tels qu'ils sont, on les prend tels qu'ils sont, on se demande pas s'il y a un leader, etc. On essaye de faire société... par le biais de la loi. Donc, on leur confie des responsabilités dans l'élaboration et l'application de la loi. Enfin, des règlements de l'école, pas de la loi, évidemment, en soi. Et il s'agit de mettre tout le monde à égalité devant la loi, si j'ai bien compris, hein, dans le système américain. Ici, la loi, on l'a un peu oubliée. Il s'agit d'organisation. Et d'organisation qui va, avec une tâche qui va faire se décanter les différentes aptitudes. aptitudes, y compris aptitudes sociales, c'est-à-dire savoir interpréter une consigne, quelqu'un qui ne demande pas 10 fois de suite qu'on lui répète ce qu'il doit faire, savoir prendre des initiatives, respecter le contrat qui a été passé, toi tu t'occupes des chiffons, moi je m'occupe du respirit, etc. Bon, voilà, donc aptitude sociale aussi. Et Cousinet essaye de dégager de son fonctionnement du travail libre par groupe des aptitudes sociales des élèves. Donc on n'est plus dans le self-government, c'est pas de l'autodiscipline. D'ailleurs il le disait lui-même, hein, il tenait à ça, travail libre par groupe. Alors ça ressemble à Dufresnet, mais c'est pas Dufresnet. Parce que Fresnet, il avait beaucoup plus le souci alors du concret, hein, de choses comme ça bien sûr, mais aussi de faire que les élèves ne séparent pas, par exemple, ce qui est travail intellectuel et travail manuel. On voit qu'il y a de la réflexion dans le travail manuel, qu'on y investit beaucoup de connaissances, que le travail manuel est quelque chose qui doit être respecté, chose qu'on sait d'autant plus quand on l'a fait soi-même. Bon, il y a toute une réflexion politique chez Fresnet qui ne va pas du tout dans le sens de ces dégagements de leaders et de collaborateurs de Cousinet. Je ne pense pas. Je dirais même que c'est antinomique. Je soupçonnerais bien chez Cousinet une influence de De Molin, le fondateur de l'école des Roches, en fait. C'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus élitiste, avec la recherche du leader. Voilà. Alors donc, c'est pour ça que je disais, ça part dans tous les sens et ça fait réseau, parce que tout de suite, on voit que c'est les traductions en question mobilisent d'autres théories, même si les gens disent c'est la même chose. Alors, donc, en France, toujours, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose vraiment entre les deux guerres. C'est une question que je me pose, je n'ai pas répondu. Et j'ai trouvé, un peu par hasard, à propos de, en cherchant autre chose, un autre exemple, après la guerre, et qui est assez révélateur quand même. Après la guerre de 40-45, hein. Donc là, il s'agit déjà du plan Langevin-Wallon. On retrouve dans le projet Langevin-Wallon de refondation déjà hein, du système éducatif en 1945 un plein de choses et puis une volonté de faire nouveau. Hein, vraiment, de reprendre tout à la base, de réorganiser complètement le système. C'est la fameuse chose qui n'a pas été faite. Que les militants ne cessent de répéter depuis, et à mon avis c'est une fausse piste, enfin bon, passons. Et ce plan fait beaucoup appel à l'éducation nouvelle, à tout ce qui est méthode non autoritaire, il appelle à une évolution de la place du maître, enfin on trouve ça à plusieurs endroits. Il dit notamment, les méthodes d'individualisation de l'enseignement, d'autodiscipline, le jeu des responsabilités individuelles dans l'organisation matérielle du milieu scolaire seront propices à cette formation de la personnalité et du caractère. Les règles imposées seront réduites au minimum pratiquement indispensable. Progressivement, on laissera à chacun une part d'activité libre et de responsabilité personnelle de plus en plus large. En même temps, les travaux en équipe, la coopération organisée, enseigneront par l'action la soumission volontaire à une règle acceptée, l'intégration de l'activité individuelle à celle d'un groupe organisé. Alors, voilà un exemple où on va chercher l'autodiscipline, la notion de responsabilité, et ça fait écho au self-government. Alors, je dis ça fait écho parce que, à mon avis, mais ça n'engage que moi là, ce texte n'est pas rigoureux. Le plan Langevin-Wallon, je sais bien que c'est un petit peu hérétique de dire ça, parce que pour des raisons historiques, hein, c'est un texte qui a été sacralisé, qui fait mémoire dans l'institution scolaire, mais ce passage-là et bien d'autres montrent qu'il n'y a pas des références à des théories précisées, à des auteurs précisés, il n'y a pas de clarté dans les concepts utilisés, il y a une espèce de recherche du consensus. Je dirais presque qu'on ne pouvait rien faire avec ça. Enfin, moi, c'est mon opinion, hein, qui n'est pas orthodoxe. mais c'est pas contre les gens hein, de l'époque que je dis ça, et c'est peut-être un peu contre les rédacteurs quand même, hein, évidemment. Le fameux Langevin étant réputé pour avoir une façon de travailler un peu particulière, pour étant être assez autocratique hein, d'après les descriptions, ce qui fait qu'il a laissé à sa mort un tas de papiers, enfin quelque chose de pas bien clair, et après Vallon a remis ça en ordre. Mais ça fait beaucoup de problèmes et je crois que ça a laissé des traces. Alors, donc, on a un peu de tout. On a le groupe organisé, on a les règles, on a la coopération, on a le caractère, la personnalité. On n'a pas beaucoup la démocratie dans ce passage-là. Elle y est bien sûr dans les idéaux, mais comme par hasard, ça, on aurait besoin là d'une référence à quelque chose de politique. Or, on est dans du socio-psycho quelque chose, mais pas vraiment d'une manière bien identifiable. Alors, ce qui s'est passé illustre tout à fait ça. C'est-à-dire que en 1946 à 52, il y a eu une expérience qui a ensuite été supprimée, et c'est l'expérience des classes nouvelles. Alors, les classes nouvelles ont été remplacées par les classes pilotes. Moi, je me souviens, quand j'étais au lycée, il y avait encore des classes pilotes. Et c'était l'aménagement qui avait été fait des classes nouvelles créées à la Libération. Alors, donc, ces classes nouvelles ont été créées à l'initiative du ministre Gustave Monod, qui avait été un résistant, effectivement, et qui se réfère lui-même à toutes sortes de théories qui sont parfois difficiles à discerner. C'est pourquoi j'ai des collègues qui ont fait des recherches sur les classes nouvelles, pour savoir vraiment ce que c'était, ne serait-ce que de rétablir dans leur chronologie, parce que c'est assez curieux. Et dans les classes nouvelles, il y a eu du self-government, entre autres. Alors il n'y avait pas que ça, hein, il y avait d'autres innovations, notamment dans la manière d'enseigner les disciplines. Il y a eu des expérimentations de ce qu'on appelait à l'époque en Amérique c'est les social studies. Et alors ici on avait traduit ça par, alors je ne sais plus si c'est études sociales ou un autre mot, mais enfin l'idée c'était de rassembler un certain nombre de matières dans des études de problèmes. Donc de rassembler histoire, géo, économie dans l'étude, par exemple, je crois, d'une migration. Voilà. Hein. Alors ça, c'était inspiré aussi des États-Unis, ce qu'ils appelaient social studies, et qui visait à fédérer finalement des sciences humaines dans l'étude de problèmes précis, censés être plus accessibles aux élèves, ce qui n'est pas toujours si vrai que ça. Enfin, alors donc, c'est une des innovations des classes nouvelles. Alors comme j'essayais de savoir ce qui s'était passé à la Libération, justement, j'avais pris appui sur ces travaux, sur les classes nouvelles, pour voir un peu quelle théorie il y avait derrière. Parce que mes collègues ont travaillé historiquement, mais pas forcément tellement philosophiquement. Et donc je voulais savoir s'il y avait une théorie. Alors effectivement, là, il y en a une. Et je l'ai retrouvé dans une suite d'articles qui a été, qui reflète un rapport que je n'ai pas trouvé aux archives. Voilà, les fameuses investigations aux archives. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur le rapport d'origine pour l'instant. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Et un rapport fait par une personne oubliée complètement, qui s'appelait Madame de Saint-Blanca, qui avait été envoyé aux États-Unis par Gustave Monod pour étudier les méthodes nouvelles américaines. Et elle en a rapporté ce rapport, dont des fragments, assez longs quand même, ont été publiés dans l'Éducation nationale. Alors l'Éducation nationale, c'est la revue qui fait office de BO à l'époque. Mais on trouve beaucoup plus que dans le BO aujourd'hui, c'est-à-dire que dedans il y a des articles. Il y a des articles de fond, comme des problèmes comme ça, des morceaux de rapport, on trouve souvent. Il y a des articles qui font le point par rapport à une commémoration, Par exemple, des historiens qui vont, à l'occasion de telle date, rappeler toute la biographie d'un personnage. Enfin, c'est un vrai bouquin. C'est vraiment beaucoup plus que le BO. Alors, donc, Madame de Saint-Blanca témoigne de son voyage. Elle explique notamment sur ce point qu'il faut s'inspirer des États-Unis. Alors j'ai été très frappée d'une expression d'Emmanuel Loyer qui a écrit un livre très bien qui s'appelle Paris à New York. Et elle explique qu'à cette époque-là, c'est un nouveau grand tour d'aller aux États-Unis. C'est-à-dire Madame de Saint-Blanca va à Philadelphie, elle passe par Chicago, elle revient à New York, etc. Et c'est ce qui fait office, d'après Madame Loyer, de grand tour. C'est-à-dire, c'est plus Rome, Athènes, c'est Naples, c'est... voilà. Et c'est vraiment comme ça, hein. Ça se présente comme un voyage initiatique. Sur le mode, il y a des choses extraordinaires qui se passent aux États-Unis, une vraie fascination, comme Cousinet. Il faut absolument qu'on s'en inspire, on est en retard. Hein. C'est vraiment cette rhétorique. Et en fait, la lecture du fameux rapport au bout de rapport montre que ils n'y connaissent rien. Ils n'ont absolument pas creusé du tout ce qui se passait aux États-Unis. Et en 1945, par exemple, elle découvre le self-government, c'est génial, alors que ça date, hein, la première fois qu'on en parle, apparemment, c'est 1891 aux États-Unis. Les recherches de Cousinet, c'est 1912. Donc, comment est-ce possible de dire en 1945 voilà des choses nouvelles et extraordinaires qui se passent aux États-Unis. Moi, j'ai été très frappée par ce décalage chronologique, je ne m'explique pas entièrement, de la part de gens, ou alors, ils n'ont pas envoyé les bons experts, très probable. Pourquoi envoyer cette dame-là, charmante sans doute, mais qui ne devait pas avoir le background nécessaire pour comprendre. À mon avis, elle ne comprenait pas ce que lui disaient les gens aux États-Unis. Et alors, mais ça montre un dysfonctionnement. Enfin, je sais pas, c'est une date cruciale quand même, 1945. On a l'impression qu'ils ont fait n'importe quoi là. C'est terrible. Et enfin, il y a des articles meilleurs, mais là, c'est important parce que elle est conseillère du ministre, hein, quand même. Elle est envoyée par lui là-bas pour faire des choses pratiques, et ça va donner les classes nouvelles. Donc, c'est quand même pas des mots. Et alors, il y a pire chez Madame de Saint-Blanca, c'est que elle parle tout le temps de méthodes nouvelles, elle parle de progrès, elle parle, je cherche des citations, elle parle d'éducation moderne, voilà. Et à pas un seul moment, elle ne se réfère à ce que les Américains appellent l'éducation progressive, et qui est bien identifié quand même, hein. C'est un mouvement qui tourne autour de Dewey, mais pas seulement, il y a plein de gens qui sont concernés. Et à cette époque-là, en 40, tout de suite après la guerre, on commence à sentir l'hostilité contre les communistes qui monte aux États-Unis, hein. Ça va donner après le McCarthyisme en 1950. Cette tension internationale, elle se traduit par des attitudes passionnelles qui vont faire qu'on va assimiler les communistes et les éducateurs progressistes aux États-Unis, et par exemple qu'on va détruire tous les manuels écrits par Harold Rogge, un certain collaborateur de Dewey, qui va avoir du mal à s'en remettre parce qu'il est accusé d'avoir voulu, dans ses manuels, détruire par l'intérieur la société américaine au service d'une puissance étrangère, alors que c'est pas vrai. C'est juste un progressiste, comme les Américains sont progressistes, c'est-à-dire en fait en ayant une vision très individualiste de l'implication du citoyen, etc. Voilà, c'est peut-être pas bien ces manuels, mais ça a été détruit pour des raisons politiques. Donc, à aucun moment, alors qu'on sent très bien ça dans les écrits, elle ne le perçoit. Donc j'en ai conclu qu'il l'avait reçu, qu'il lui avait fait visiter des locaux, qu'il... Et puis après, ils ont dit au revoir madame, c'était très bien, je pense. Hein. Alors, c'est pourquoi je ne me suis pas non plus acharnée à trouver ce rapport, parce que s'il y avait une raison, je le ferais, mais c'est peut-être pas si intéressant que ça. Enfin, je sais pas. Quelquefois, il faut peut-être arrêter aussi, sinon ça devient de l'obsession. Alors donc j'ai senti l'aile de l'obsession et j'ai pas cherché plus loin. Donc par contre j'ai regardé aussi dans les archives de Mono qui sont dans un désordre assez étonnant. Et donc en fait il pense et lui aussi je crois que les classes nouvelles doivent appliquer le self-government dans un but autre que ce que pensait Roosevelt aux États-Unis. Quand on lit la description de ce que Madame de Saint-Blanca a fait dans son établissement, elle était directrice du lycée de jeunes filles de Tours, elle explique qu'on a confié des responsabilités aux élèves, que ça a été réparti par élection, hein. Mais ce qui est très très tout de suite qu'on peut discerner, c'est qu'elle attend des élus, élèves, qu'ils aient une influence sur les autres. Et alors ça, c'est pas du tout ce qui est dit dans les expériences originelles de self-government. Parce que les élus sont des gens qu'on pense capables, dans les expériences originelles, par exemple, d'exposer des faits en vue de la recherche d'une sanction pour quelqu'un qui aurait transgressé une règle. Voilà, on attend quelqu'un qui va le faire honnêtement, clairement. On attend des qualités précises investies comme ça dans la pratique. Là, c'est plutôt genre bonne tenue, un modèle de sérieux, enfin des choses beaucoup plus morales finalement. Et on a l'impression que Madame de Saint-Blanca attend que les élus soient les bonnes élus et que ces bonnes élus en retour aient une bonne influence sur toutes leurs camarades. Et elle attend qu'elle travaille en étroite liaison avec l'administration aussi. Ce qui n'est pas... Dans le self-government, on essaye d'oublier qu'il y a l'administration et le maître. On ne l'oublie pas complètement, mais il n'a pas à intervenir. Hein. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout, du tout conçu de la même manière. Et c'est confirmé par des témoignages. Il y a heureusement un livre qui a été produit, qui est préfacé par Antoine Pro, un livre qui a été produit sur ça, parce que des gens ont pensé que tout allait disparaître, il ne reste rien. J'ai écrit au lycée, j'ai rien trouvé au lycée de Tours. Vraiment, c'est très difficile. Faudrait peut-être aller aux archives départementales, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et donc quelqu'un a interrogé les témoins, alors les anciennes élèves de Madame de Saint-Blanca. Et parmi les témoins, il y a des voix dissonantes. Alors, il y en a qui ont des très bons souvenirs, parce qu'on faisait des arts beaucoup plus, parce qu'on faisait des sorties, enfin les méthodes actives, hein, donc des classes nouvelles. On faisait toutes sortes de choses intéressantes, il y avait une super ambiance, enfin voilà. Et puis pour certains autres, Madame de Saint-Blanca était extrêmement rigide. Elle avait ses têtes et elle a dit un jour « Vous êtes l'élite de la nation ». Et il y a une des filles qui n'a pas bien vécu ça. Elle a dit « Moi, je n'ai pas envie d'être une élite, j'ai envie d'être avec mes camarades en fait. Donc il y a des voix dissonantes et Antoine Pro le confirme dans sa préface. Il dit « Le but de ces expériences-là, c'était de dégager une élite pour la société à reconstruire. C'était pour avoir des responsables qui ne soient pas défaillants comme il l'avait été en 1940. Ah ouais. Chose qui se comprend. Je respecte complètement le souci. C'est vrai que c'est un contexte. Mais c'est encore une vision que je pense inspirée de De Molin, je crois, très élitiste, c'est-à-dire les problèmes se règlent par le haut. Alors que chez les Américains, le problème ne se règle pas par le haut. On ne transige pas. Hein. Il y a le corps social, il faut faire avec. Donc, je dirais que pourquoi appeler ça self-government ? Alors, ça a eu des effets très importants parce que c'est quand même ça qui a donné les conseils de classe, qui existent toujours. Je pense que c'est la seule chose qui reste, d'ailleurs, de ces expérimentations. Enfin, c'est quand même important. Alors, on se plaint. J'ai interrogé mes étudiants pour voir si c'était toujours pareil. On se plaint apparemment des conseils de classe comme étant quelque chose de très formel. où les élèves sont représentés, certes, où ils peuvent retransmettre un certain nombre de choses, etc., mais où ils sont quand même peu de choses, finalement, ils sont juste témoins. Alors, cet héritage est normal, puisque c'est les classes nouvelles, c'est l'implication des élèves dans la vie de l'établissement, dans toutes les instances des conseils, etc. Ça, c'était déjà dans le lycée de Tours et d'autres. Hein. Mais il y avait... Alors, pourquoi ça a disparu, je ne sais pas bien. Ces classes ont été vécues par beaucoup comme étant une espèce de luxe pour les établissements, un problème à gérer. Il y avait les classes nouvelles puis les classes normales, donc c'était mauvais. Quand elles ont été transformées en classes pilotes, je crois que ça s'est usé, je ne sais pas en quelle année ça a été complètement supprimé, mais c'était une manière du successeur de Mono de supprimer sans supprimer, de dire je ne fais pas un acte violent, je modifie juste un tout petit peu, on va appeler ça classe pilote. Mais son intention était de supprimer quand même. Et je fais l'hypothèse que quand il y a un défaut théorique dans une expérimentation, ce défaut théorique finit toujours par se révéler et par nuire à l'expérimentation. Et je pense que c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire, si ces classes n'ont pas été appréciées peut-être à leur juste valeur, ou si beaucoup ont eu l'impression que c'était un luxe ou qu'il fallait les supprimer, c'est parce qu'elles avaient un but ambigu. Alors, voilà. Je vais peut-être vous demander, peut-être en 5 minutes. Oui. C'est fini. Terminé. Enfin, je ne vais pas synthétiser tout ça, on peut le faire en discutant. Hein. Ah, d'accord, vous avez. Mais je peux prendre 5 minutes. D'accord, si d'accord. Non, excusez-moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas, vous interrompre brutalement. Ah, moi, je respecte les règles. Non, c'est celle de l'armement. Non, ce que je voulais dire en conclusion, c'est simplement ça, c'est que, bon, il y a un fil. Hein. On a, au minimum, on a un héritage d'expérimentation et de théorie qui devrait pouvoir permettre d'aborder les problèmes de vie de classe autrement que maintenant. C'est-à-dire sous forme d'une alternative entre discipline ou retour à l'ordre, et puis laisser faire et l'enfant est au centre, etc. Bon, après tout, on a des outils quand même. Mais en France, ça, on n'a pas su, c'est clair, s'emparer du self-government. Par ailleurs, je ne sais pas ce que ça vaut en pratique, on n'a pas essayé. Mais ça semble intéressant dans l'objectif. C'est-à-dire, la démocratie, elle existe partout, même à l'école, mais on ne peut pas en parler si elle n'est pas agie. Bon. Donc cette invention un peu inaugurale me paraît très très intéressante, et il y a des dégradations qui se sont opérées en France avec certains points qui restent quand même assez intéressants. La vision de Cousinet, de son itinéraire intellectuel est quelque chose d'intéressant. Madame de Saint-Blancas, sûrement pas. Gustave Monod mériterait un peu plus d'attention. Que pensait-il vraiment, ce ministre? Ça, voilà. Et finalement, faute d'avoir su peut-être produire quelque chose de clair, ne serait-ce qu'au niveau théorique, je pense que les idées se sont usées, perdues, jusqu'à devenir oubliées, et que maintenant on n'a plus les outils pour penser, et c'est pourquoi on parle de socialisation à tort et à travers. Je vais revenir au point de départ. Voilà, c'est ça ce que je voulais conclure. Ok, merci. Bon, moi je veux bien commencer, hein. J'ai quelques interrogations, quelques questions. Première interrogation, ça sera sur les références, parce que là vous êtes centré effectivement sur Cousinet. Moi je ne connais pas du tout ce domaine des sciences pédagogiques. Alors, mis à part cette relation à Durkheim, quels sont les, je sais pas, dans le 19e siècle, les auteurs sur lesquels on peut s'appuyer, c'est-à-dire que de mémoire, il me semble avoir quelque part qui s'appuyait sur Tolstoï, la littérature russe, où effectivement, quand on lit Anna Karenine ou Garipa, on voit bien qu'il y a toute une réflexion sur l'éducation des enfants. Mais est-ce que ça se traduit concrètement dans quelque chose de précis du point de vue de l'expérimentation, ou est-ce que c'est juste comme ça, le background de culture générale qui fait que c'est réinvesti. Tolstoï, il a toujours été mythifié. Par exemple, Cousinet le cite comme un grand éducateur, mais mythifié, c'est-à-dire on s'en sert pas. D'accord. Parce qu'il y a un usage purement révérentiel de Tolstoï. Alors il y a toujours, Tolstoï est présent par exemple dans l'histoire de la pédagogie. Si on regarde le livre de Gabriel Compéré sur l'histoire de la pédagogie, ça s'appelle « Les doctrines pédagogiques en France », l'histoire des doctrines pédagogiques en France, il y a un grand chapitre sur Tolstoï. Mmh. Dans le dictionnaire de Buisson, il y a Tolstoï aussi. Mais il ne sert à rien. Rien. D'accord, c'est juste l'histoire. Ouais, ça fait partie des... De... Alors comment ça s'explique La grande tâche philosophique de Ferdinand Buisson, qui était le seul capable, je crois, de produire quelque chose de vraiment approfondi, ça a été la laïcité. Hein. Il s'est occupé beaucoup des rapports religion-morale, de mettre au point la laïcité de l'école. Il s'est donc pas investi dans peut-être d'autres sujets de la pédagogie. Le Buisson s'est très vite passé pour une antiquité. Quand il a été, ce qu'on appelle le Buisson, c'est le dictionnaire hein, de normes, de 4 tomes qui a été fait en 1887, au moment des lois scolaires. Éventuellement, on pourrait puiser là-dedans, parce que dedans, il y a un gros travail historique qui a été fait. Surtout, hein, on y trouve aussi bien Sparte que Tolstoï, que des choses beaucoup plus récentes. Donc ça pourrait, mais ça n'a pas eu ce rôle de dynamiser la réflexion pédagogique. La deuxième édition, 1911, il n'a pas eu d'autre après, et elle était abrégée, hein, de façon révélatrice, elle était déjà beaucoup, beaucoup abrégée. Alors, je pense que ces gens avaient des tas de références qui ne servaient à rien, et que Cousinet... Sur quoi il aurait pu s'appuyer en dehors de ça, du Buisson et de... Ben, il y avait Rousseau, il y avait après... Du côté de la philosophie allemande, par exemple. La pédagogie allemande, oui, il aurait pu... Pédagogie, philosophie allemande. Ouais. Il ne fait moi, pas... bon, je ne connais pas assez, mais ces questions de responsabilité, etc., ça me fait penser au courant philosophique en Allemagne de cette époque. Mmh. Et même au niveau des principes d'éducation qui sont mis en avant... C'est-à-dire les choses que j'ai pu étudier dans une recherche. Ce qui ressort dans les différences éducatives dans les écoles en France et en Allemagne, c'est en France, il y a les règles et il y a l'individu qui est libre. Donc l'individu libre, il est géré par une discipline mais qui est complètement extérieure. Alors que l'éducation allemande est beaucoup plus basée sur l'intériorisation de la règle et que... Pas de gestion, par exemple, il n'y a pas de surveillance dans les écoles allemandes, il n'y a pas de portes qui sont fermées à clé, il n'y a pas de surveillance. Donc imaginez des écoles du primaire jusqu'au secondaire sans surveillance. C'est-à-dire que les élèves allemands, quand ils arrivent en France, ils trouvent que les élèves sont fliqués en permanence. Non? Alors qu'ici, on a du mal à imaginer que des élèves peuvent survivre, enfin peuvent à peu près se comporter correctement, s'ils n'ont pas un minimum de... corps disciplinaire. Que les professeurs puissent survivre. Oui, aussi. Oui, et donc il y a comme ça une logique d'intériorisation de la règle qui est beaucoup plus forte dans le principe éducatif. Et donc là, après, moi, ce que je vois aussi, maintenant, je ne connais pas assez, je veux dire, cette période, c'est quand même la grande période migratoire pour les États-Unis, c'est-à-dire la massification scolaire, elle est due aussi à l'arrivée des enfants d'immigrés qui sont à la fois anglais et allemands. Oui. Donc il y a tout ça qu'il y a peut-être à prendre en compte, c'est-à-dire ce que je trouve un peu dommage, ce Cousinet, c'est finalement quelqu'un qui a eu une histoire intellectuelle assez faible, oui. Si je puis dire, oui. Puisque moi ce que je retire pour les étudiants, c'est que voilà, à quoi ça sert de référencer vos textes, puisque vous produisez des choses pas référencées, c'est comme si vous ne travaillez pas. Oui, donc, oui, je trouve aussi. Donc, il y a un petit peu ce côté-là chez ce monsieur-là qui est un peu décevant. Parce que c'est très décevant, surtout. Si on ne peut pas retrouver les filiations et les inspirations, c'est vraiment compliqué. Là. C'est compliqué. Mais alors, à passer à la postérité. Hein, donc. Si, en revanche, aux États-Unis, est-ce qu'on pourrait imaginer que les Roosevelt, etc., Johnson, là, ils aient pu être influencés par des Allemands? Si, oui. Oui, sûrement. Je pense, oui. Je pense, hein. Parce que bon, Ouais. il faut voir que le poids de l'immigration allemande était quand même important. Ouais. Et donc, il a pu y avoir dans ses idées des choses. Alors, Enfin, je veux ça dire, pourrait être Wilhelm Förster, par exemple, qui a parlé je de ça. connais pas C'est un assez, je connais Allemand. pas assez. Mais ça me paraît un peu récent par rapport à la date, là, 1880, je sais plus quoi, là, 1891. C'est tôt, ça. Alors, je sais qu'ils ont beaucoup, ils ont beaucoup utilisé Froebel aux États-Unis, mais est-ce que Froebel parle de ça? Voilà, là, j'avoue mon ignorance. Je ne sais pas. Je le connais plutôt pour les jeux, en plus, je suis pas germaniste, donc je l'ai pas lu dans le texte. Mais pour ce qui est de sa conception du développement intellectuel, disons, mais je ne vois pas trop s'il a parlé de ses... Il faudrait voir. Parce que c'est à peu près sûr qu'il y a un modèle allemand, en fait. Le Cousinet connaît Voilà, pas. donc c'est ma proposition de chercher un petit peu dans cette Mais donc direction-là. le Voilà. background a priori est quand même assez limité. Pardon? Le background en fait culturel sur lequel il se base est assez restreint au Oui. contexte franco-français Oui. contemporain, quoi. Moi, je pense. Sauf cette histoire de référence aux États-Unis, C'est où il est ça. complètement Sauf ça, fasciné. le modèle. Voilà. Et où il y a des choses qui sont passées. Mais j'ai le sentiment que dès Cousinet, c'est du deuxième main, c'est de la deuxième main. Je ne sais pas pourquoi, quand on lit, ce n'est pas très précis, c'est ce que vous disiez, ce n'est pas assez Oh, moi, référencé. je l'ai découvert avec vous, hein, Oui, donc. mais c'est moi qui l'ai dit, c'est vrai. Mais ça paraît déjà un héritage assez. Qui n'est pas réapproprié en profondeur. Moi, j'aurais une question un peu différente. C'est finalement sur. Mais je ne sais pas si vous pouvez répondre, parce qu'apparemment, vous avez fait essayer de faire un peu l'histoire intellectuelle de ces choses-là, mais pas trop regarder, ou moins regarder, l'impact effectif de ces expériences. C'est un peu la question qu'on se C'est pose. très Dans difficile. quelle mesure ça reste très marginal ou pas? Et quelle est l'influence effective de ces choses-là? Parce que quand même, ce qui est frappant dans tout ce que vous racontez, c'est de voir finalement dans les discours la récurrence de certains thèmes, comme celui de l'individualisation. Il me semblait que dans les passages de Langevin-Wallon que vous avez cités, il y a ce Oui. mot d'individualisation. Oui. C'est amusant parce que aujourd'hui, on entend beaucoup ça, comme quelque chose de nouveau qu'il faudrait introduire dans l'éducation, l'individualisation, etc. Donc il y a comme ça des espèces de récurrences de thèmes sur cette idée d'individualisation, d'autonomie, de seul gouvernement, etc. Et puis finalement, on a le sentiment quand même de la permanence dans la pratique d'une forme d'éducation en France qui, enfin, telle qu'elle est décrite aujourd'hui dans les comparaisons internationales, reste quand même un modèle plutôt d'enseignement, plutôt vertical, plutôt formaliste, plutôt autoritaire, plutôt fondé sur le classement, où la participation des élèves semble quand même très, très, très faible, etc. Donc voilà, donc c'est ça qui me frappe, c'est un peu ce décalage entre ces réflexions, ces discours, et une espèce de. Comme ça, de permanence de l'institution dans son être, et qui reste vraiment, finalement, très, très imperméable. Et ça me fait penser aussi au témoignage de ministre qui raconte combien dans l'éducation, combien il est très, très difficile de faire bouger l'éducation nationale, et que le corps, justement, des inspecteurs est très puissant et arrive bien souvent à faire avorter les réformes. Voilà. Voilà. Mais c'est enfin, mais c'est pas Oui. exactement votre sujet, hein, bien Oui, mais sûr. si Hein. quand même, j'aimerais bien savoir. Alors, je pense que ça serait plus simple, plus facile de savoir quelque chose de la pratique aux États-Unis qu'en France. Ouais. C'est possible qu'on arrive à décrire un peu mieux ce qui s'est passé aux États-Unis en cherchant. En France, j'ai cherché pas mal. Et j'ai l'impression que ça s'est perdu. C'est-à-dire qu'il y avait des ambitions, des intérêts, une fermentation. Au début, en 1882, j'ai l'impression, que dès cette époque-là, il y avait une grande curiosité, d'ailleurs pour l'étranger, mais pas seulement, pour l'histoire, etc. Et puis que très vite, avec la guerre de 14, il y a un affaiblissement de l'institution, peut-être lié à la préparation de la fameuse guerre. Par exemple, quand on a transformé l'éducation physique pour les garçons en entraînement militaire, bon, c'est un véritable dévoiement de l'institution. Je pense que là, il y a déjà un premier moment d'affaiblissement. Et entre les deux guerres, il faut bien voir qu'il y a eu des revendications nouvelles. Il y a eu les compagnons de l'université nouvelle en 1918. C'est-à-dire une demande de refondation qui émanait des soldats des tranchées, hein, qui avaient été dans la fraternisation. Et donc là, il y avait une demande d'inflexion du système. Et c'est la première fois là qu'on parle d'unification, en fait, qu'on reparle d'unification, si on veut, parce que ce n'est pas une idée nouvelle, mais qu'on refuse les deux réseaux, vraiment. Mmh. Hein. Donc il y a ça. Parallèlement, il y a un progrès du syndicalisme enseignant et on a l'impression que les idées pédagogiques qui commençaient à refaire surface pendant cette période-là, avec la Deuxième Guerre, elles sont de nouveau complètement effacées. Enfin, je crois que les guerres ont eu un impact négatif dans les deux cas très important. C'est une hypothèse, parce que comment ça se fait effectivement qu'avec tout ça, et encore il y en a bien plus, on arrive à si peu. Oui. C'est quand même un mystère. Oui, il n'y a pas que des mauvaises idées. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Pour moi, c'est très important d'aller jusqu'au bout des théories, parce qu'on ne peut pas faire passer une pratique si elle n'est pas assise sur une conceptualisation satisfaisante. Mais bon, il y a quand même des idées tout à fait intéressantes, y compris chez Freinet, par exemple. Donc, pourquoi tant d'échecs? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est très vertical, mais ce n'est pas au niveau de la classe que c'est vertical, c'est au niveau du système. Mm-hmm. C'est-à-dire la classe n'est que le bout de chaîne dans lequel on perçoit cette verticalité. Moi, j'ai travaillé avec des inspecteurs primaires, peut-être qu'il y en a parmi vous. Non, je peux dire, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Parce que, et puis on a l'impression aussi que ça s'aggrave. C'est-à-dire que entre les anciens qui sont partis à la retraite et puis les nouveaux qui sont arrivés après, moi j'ai eu beaucoup de mal avec les nouveaux, plus qu'avec les anciens. Parce qu'ils avaient beaucoup plus l'esprit vertical qu'avant. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour appliquer les directives du ministre. Alors qu'avant, ils avaient toujours l'idée qu'ils étaient une interface, que bien sûr, il fallait appliquer les règles, les programmes, mais que... Il fallait prendre en compte le contexte, qu'il fallait aider les gens, pas les enfoncer. Maintenant, j'ai dit ça, obéissez, hein, c'est vraiment atroce. Ça s'est vraiment aggravé, mais je dirais depuis 15 ans. Moi, je le sens comme ça. Donc, c'est plus vertical qu'avant. On sent aussi que l'esprit au niveau des instituts, enfin, des professeurs des écoles change, puisque toutes les formations ont changé. C'est-à-dire que oui, là aussi, dans les nouvelles générations d'enseignants en primaire, on est dans des gens qui appliquent le programme, on est nettement moins dans des gens qui font accéder les élèves à... Mais lui aussi, enfin, je veux dire, ouais. Je pense qu'on le sent ouais. À tous les niveaux, même dans d'autres domaines professionnels, c'est-à-dire que par la spécialisation de tout un tas de domaines professionnels, on arrive comme ça, avec la réflexivité qui est nettement moins demandée, sauf que dans quelques disciplines un peu... marginales comme les nôtres. Oui, c'est des disciplines marginales. Donc c'est vrai que... Non, mais je pense que c'est plus général. C'est plus général. C'est plus général. Quand on pense qu'aujourd'hui, le ministère, dans les textes, se désigne lui-même par l'employeur. Ça aussi... Alors ça, c'est l'imprégnation du new management. Ça, c'est encore un autre problème. Et ça fait énormément de mal. L'employeur, ça descend. Alors après, l'inspecteur s'appelle l'employeur. Alors, il a ses besoins, il a son profil, voilà. Et en face, les gens se sentent comme l'employé, quoi. Alors, ça, c'est quand même aussi... Ça contribue à aggraver la verticalité en question et à appauvrir complètement la réflexion pédagogique. Les gens ne pensent qu'à avoir la paix. Enfin, je caricature un peu, mais il y en a énormément. Ne pas de vagues, ne pas faire de vagues, que tout se passe bien... Enfin, apparemment, Parce que après, ça donne des ambiances de classe où il y a peu de prise en considération quand même du point de vue des enfants, de leurs, de leur mode de pensée, leurs échecs, leurs angoisses. Bon, c'est très difficile de remettre à l'honneur une réflexion là-dessus. Puis il y a les parents qui veulent que leur enfant intègre Sciences Po. Alors dès le CP, ils ont des inquiétudes, ils vont voir l'inspecteur et puis ils disent qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le niveau est suffisant? Est-ce que c'est une école dont on m'a dit qu'elle n'était pas assez bonne? Alors il y a une pression au résultat. On est quand même pas dans une période facile pour la réflexion philosophique et pédagogique. Juste, j'ai une question par rapport à ce problème philosophique. En fait, vous avez cité tout à l'heure Canguilhem, mais en vous écoutant, en fait, la dimension de philosophie des sciences, vous ne la développez pas vraiment. Vous faites un petit peu une histoire de la théorie et des sciences pédagogiques. Et est-ce que vous n'avez pas, en fait, un matériau potentiellement à exploiter, tout simplement sur une sorte de philosophie de l'expérimentation dans les sciences pédagogiques, sur une philosophie des sciences sociales, ou dans les sciences pédagogiques étant un des sciences sociales, plutôt que simplement faire ce travail de recensement des initiatives successives pédagogiques, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un traitement un peu plus transversal de tous ces objets pour conduire une réflexion sur l'expérimentation en général dans le domaine des sciences pédagogiques? Et dans ce cas-là, vous faites le raccord avec la philosophie des sciences de Canguilhem et également tout ce qui s'est produit après lui, surtout. Ce qui me gêne un peu, c'est que l'expérimentation, quand on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé sur le terrain, c'est vrai que c'est un objet prioritaire, oui, ça serait vraiment mieux de le prendre comme ça, mais avec toujours une entrée privilégiée par les écrits que les gens ont laissés, des descriptions, ça me bloque un peu. C'est pourquoi, si on peut dire, je me réfugie dans une sorte de reconstitution chronologique, parce que je n'arrive pas à rattraper la vraie expérimentation quelque part. Qu'est-ce qu'elle a été et qu'est-ce qu'on peut en savoir? Oui, ceci dit, si vous suivez cette grille linéaire, peut-être que ça vous parcelliser peut-être du coup différemment votre objet et vous n'arrivez pas vraiment à saisir ce qui peut faire le point, ce qu'il y a de commun entre ces différents types de situations. Tout à l'heure, Olivier parlait sur le problème justement de l'exploitation des expérimentations, des résultats, mais c'est également le problème de la réceptivité. Ce que vous avez évoqué à travers des problèmes politiques, c'est-à-dire le problème de la concordance entre les valeurs qui sont mises dans l'expérimentation, qui ne concordent pas avec l'environnement et du coup on écarte l'innovation. Donc ça, peut-être qu'il y a moyen d'en donner une lecture un petit peu transversale pour éviter de donner l'impression d'avoir le panorama autour des innovations pédagogiques, je pense. Et peut-être que du coup, ça se raccorde assez bien avec tout le domaine de la réflexion philosophique des sciences autour de l'expérimentation ou des formes de démonstration. Et là, vous avez un raccord avec toute une tradition, par contre, de philosophie, de sociologie des sciences qui est très nourrie. Oui, oui, sachant que l'expérimentation en pédagogie, c'est toujours déjà dans le principe quelque chose qui a été contesté. Enfin, oui, c'est d'autant plus intéressant à étudier parce que c'est un cas spécifique qui n'a pas forcément été traité énormément. Oui, c'est une excellente idée. Ouais. Peut-être qu'il faudrait que je reconsidère ça comme ça. Là, je m'étais un peu concentrée comme notion, en fait, bon, à l'arrière-plan, j'ai pas dit, mais sur la démocratie, parce que c'est une obsession qui est latente chez tout le monde, là. Et apparemment, ils n'en ont pas tous la même vision et la même définition. Donc l'expérimentation... Sur la démocratie à l'école ? À l'école, oui. C'est amusant, parce que... démocratie à l'école, dans les fêtes... Justement, c'est pour ça. Justement, parce que je constate... Mais il y a quand même une chose, je ne sais pas si c'est un lien d'ailleurs. Vous savez, il existe un truc, je crois, qui s'appelle les conseils de la vie lycéenne. Vous connaissez ça ? Oui, oui, oui. Mais c'est très, très formel. Et en fait, d'ailleurs... Je crois que c'est... Ça marche pour ainsi dire pas. Hein. J'ai pas entendu parler d'une révolution à ce sujet. Non, mais ça marche pas, parce que bon, soi-disant, enfin théoriquement, ça, il devrait y en avoir, je pense, dans tous les lycées. Non, théoriquement, les conseils de la vie lycéenne. Théoriquement, mais en fait, ça intéresse pas les élèves, parce que ces conseils de la vie lycéenne, en fait, leur. C'est pas du tout le seul gouvernement, là, pour le coup. Ils ont un domaine de compétences qui est extrêmement limité et qui reste totalement sous le contrôle d'ailleurs de l'administration du lycée. Bon, donc, c'est un peu une fausse démocratie, oui. En réalité. Oui. Oui. Oui. C'est un petit peu le genre de choses qui doit être faites formellement et puis assez vite rangées. Enfin, oui, oui. Et d'ailleurs, c'est amusant, je vous donne cette anecdote. Moi, j'avais participé à la réflexion, vous savez, de Martin Hirsch sur les réformes pour la jeunesse, etc. Et j'avais dit, bah, tiens, une idée qui serait pas mal, parce que le Conseil de la vie lycéenne, oui, c'est ça, il peut donner son avis sur, par exemple, la queue dans les selfs, ce qui se passe dans la cour de récré, etc. Mais tout ce qui concerne la pédagogie et l'enseignement, là, il n'a rien à dire. Alors qu'en fait, c'est le nœud quand même des tensions qui se jouent aujourd'hui à l'école, notamment entre les profs et les élèves. Donc j'avais dit, bah, tiens, une idée, ce serait peut-être d'élargir les compétences du Conseil de la vie lycéenne et faire en sorte qu'ils puissent se donner des avis motivés sur la pédagogie, la façon d'enseigner. Ça. Oh là là, je me suis fait recevoir. Non, c'est... Là, allez, à la poubelle tout de suite. Non, mais il y a de temps en temps des situations comme ça. C'est par exemple quand ils ont changé le surveillant général en CPE. Ouais. Bah, il a une fonction pédagogique, ouais, et d'orientation. Ouais. Qu'il remplit par rapport à l'avenir professionnel des élèves, ou des orientations. Donc, mais ouais, je veux dire, quelle est sa fonction de... Après, ça s'appelle la vie scolaire. Mais la vie scolaire, en principe, c'est quand même ce qui se passe pas mal en classe. Ben, mais en fait, oui, la vie scolaire, c'est justement ce qui se passe pas en classe. C'est exactement ça. Et donc, oui, il y a comme ça toute une série de fonctionnements qui sont assez symptomatiques. La décharge de ces personnes qui ne veulent pas en entendre parler, je pense que les problèmes de la vie scolaire hors classe sont en train de s'aggraver. Oui, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parallèlement, mais en lien avec ce qui se passe dans la classe quand même. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une notation de vie scolaire, c'est-à-dire qu'il y a une note de vie scolaire. Oui, oui. Le nombre de colles. Et puis il y a un autre point aussi qui me semble intéressant. Je crois que vous avez employé le mot à un moment de compétence sociale, non? Ah oui, alors c'est la mode, ça. Parce que c'est la mode. Oui. Non, mais ça m'a fait écho vous savez, à toute la réforme autour du socle de compétences au collège, du socle de compétences, et parmi ces compétences, aujourd'hui, le collège est censé aussi, et moi je pense d'ailleurs que c'est important, et donner des compétences sociales, savoir interagir avec les autres, savoir se comporter en public, arriver à être consciencieux, organisé dans son travail, enfin voilà, des choses comme ça, dont pas mal d'études montrent que ces compétences sociales sont aussi importantes pour la réussite que les compétences proprement académiques. Voilà. Donc, mais en fait, dans les faits, c'est des choses qui soi-disant doivent se mettre en place, mais ont beaucoup, beaucoup de mal à se mettre en place, et l'institution a beaucoup de mal à... Enfin, j'ai comme ça quelques exemples de l'école à mon fils, par exemple, les élèves de la classe ont tous rempli un petit questionnaire, oui, avec des questions à donner pour le conseil de classe du premier trimestre. Oui. Ils vont faire ça à chaque trimestre. Donc l'avis des élèves est demandé pour le conseil de classe. Mmh, mmh, ce qui, que j'ai pas connu pour les plus grands, ma fille qui est plus grande. Ouais. Donc il y a comme, et puis des associations qui interviennent pour la démocratie, etc. Ils font comme ça des... Et bon, l'heure de vie scolaire, elle est vraiment respectée. On fait des choses, on réfléchit sur des choses avec les élèves. Donc ça va quand même dans donc, ce sens. Donc il y a comme ça des petits signes, je dirais, qui vont dans le sens du, peut-être pas du self-government, mais qui vont dans le sens d'une... Un petit peu. Mais il faut... voilà, ça reste relativement minoritaire par rapport à une grosse chape de plomb qui fonctionne autrement. Et qui, en plus des conseils de vie scolaire, des conseils de lycéens, il y a des délégués du lycée. Oui. Eux interviennent au niveau lycéen sur l'avis dans la classe. Oui, les rapports pas à pédagogie et d'orientation, oui, tout à fait. Mais qui eux sont moins consultatifs que le conseil de vie scolaire. Peut-être. D'accord. Bon, bah écoutez, merci. Merci beaucoup. En tous les cas, c'est très intéressant. Merci une fois. Non, pas tellement.